Premier livre de Samuel, chapitre 2. Alors Anne pria, et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma corne a été élevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte sur mes ennemis, parce que je me suis réjoui de ton salut. Il n'y a nul saint comme l'Éternel, car il n'y en a point d'autre que toi, et il n'y a point de rocher tel que notre Dieu. Ne proférez point tant de paroles hautaines, qu'il ne sorte point de votre bouche des paroles rudes, car l'Éternel est le Dieu fort des sciences, c'est à lui à peser les entreprises. L'arc des forts a été brisé, mais ceux qui ne faisaient que chanceler, ont été saints de force. Ceux qui avaient accoutumé d'être rassasiés, se sont loués pour du pain, mais les affamés ont cessé de l'être, et même la stérile en a enfanté sept, et celle qui avait beaucoup de fils est devenue languissante. L'Éternel est celui qui fait mourir, et qui fait vivre, qui fait descendre au sépulcre, et qui en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et enrichit, il abaisse et il élève. Il élève le pauvre de la poudre, et il tire le misérable de dessus le fumier, pour le faire asseoir avec les principaux, et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les fondements de la terre sont à l'Éternel, et il a posé sur eux la terre habitable. Il gardera les pieds de ses bien-aimés, et les méchants se tairont dans les ténèbres, car l'homme ne sera point le plus fort par sa force. Ceux qui contestent contre l'Éternel seront froissés, il tonnera des cieux sur chacun d'eux, l'Éternel jugera les bouts de la terre, et il donnera la force à son roi, et élèvera la corne de son loin. Puis Elkana s'en alla à Rama en sa maison, et le jeune garçon vaquait au service de l'Éternel, en la présence d'Élie le sacrificateur. Or les fils d'Élie étaient de méchants hommes, ils ne connaissaient point l'Éternel, car le train ordinaire de ces sacrificateurs-là envers le peuple, était, que quand quelqu'un faisait quelque sacrifice, le garçon du sacrificateur, venait lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main une fourchette à trois dents, avec laquelle il frappait dans la chaudière, ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot, et le sacrificateur prenait pour soi, tout ce que la fourchette enlevait, ils en faisaient ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît fumer la graisse, le garçon du sacrificateur venait, et disait à l'homme qui sacrifiait, « Donne-moi de la chair à rôtir pour le sacrificateur, car il ne prendra point de toi de chair bouillie, mais de la chair crue. » Que si l'homme lui répondait, « Qu'on ne manque pas de faire fumer tout présentement la graisse, et après cela prends ce que ton âme souhaitera, alors il lui disait, quoi qu'il en soit, tu en donneras maintenant, et si tu ne m'en donnes, j'en prendrai par force. » Et le péché de ces jeunes hommes, fut très grand devant l'Éternel, car les gens en méprisaient l'oblation de l'Éternel. Or Samuel servait en la présence de l'Éternel, étant jeune garçon, vêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait un petit roquet, qu'elle lui apportait tous les ans, quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice solennel. Et Élie bénit Elkana et sa femme, et dit, « L'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, pour le prêt qui a été fait à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Et l'Éternel visita Anne, laquelle conçut et enfanta trois fils et deux filles, et le jeune garçon Samuel devint grand en la présence de l'Éternel. Or Élie était fort vieux, et il apprit tout ce que faisaient ses fils à tout Israël, et qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient par troupes à la porte du tabernacle d'assignation. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous ces actions-là? Car j'apprends vos méchantes actions, ces choses me viennent de tout le peuple. Ne faites pas ainsi, mes fils, car ce que j'entends dire de vous n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme a péché contre un autre homme, le juge en jugera, mais si quelqu'un pèche contre l'Éternel, qui est-ce qui priera pour lui? Mais ils n'obéirent point à la voix de leur père, parce que l'Éternel voulait les faire mourir. Cependant le jeune garçon Samuel croissait et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Or un homme de Dieu vint à Élie, et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, ne me suis-je pas clairement manifesté à la maison de ton père, quand ils étaient en Égypte, en la maison de Pharaon? Je l'ai aussi choisi d'entre toutes les tribus d'Israël pour être mon sacrificateur, afin d'offrir sur mon autel, et faire fumer les parfums, et porté l'effort devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père, toutes les oblations des enfants d'Israël faites par le feu. Pourquoi avez-vous regimbé contre mon sacrifice, et contre mon oblation que j'ai commandé de faire dans le tabernacle, et pourquoi as-tu honoré tes fils plus que moi, pour vous engraisser du meilleur de toutes les offrandes d'Israël mon peuple? C'est pourquoi l'Éternel le Dieu d'Israël dit, j'avais dit certainement que ta maison et la maison de ton père, marcheraient devant moi éternellement, mais maintenant l'Éternel dit, il ne sera pas dit que je fasse cela, car je n'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront traités avec le dernier mépris. Voici les jours viennent que je couperai ton bras, et le bras de la maison de ton père, tellement qu'il n'y aura aucun homme en ta maison qui devienne vieux. Et tu verras un adversaire établi dans le tabernacle, autant que Dieu enverra toutes sortes de biens à Israël, et il n'y aura jamais en ta maison aucun homme qui devienne vieux. Et celui de tes descendants que je n'aurai point retranché d'auprès de mon autel, sera pour faire défaillir tes yeux, et affliger ton âme, et tous les enfants de ta maison mourront à la fleur de l'âge. Et ceci t'en sera le signe, savoir ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné, c'est qu'ils mourront tous deux en un même jour. Et je m'établirai un sacrificateur assuré, il fera selon ce qui est en mon cœur, et selon mon âme, et je lui édifierai une maison assurée, et il marchera toujours devant mon loin. Et il arrivera que quiconque sera resté de ta maison, viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent, et quelques pains, et dira, donne-moi une place, je te prie, dans quelqu'une des charges de la sacrificature, pour manger un morceau de pain.